بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 78 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et c'est avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله تعالى. Et on était maintenant en train d'expliquer la réalité des anges selon le Coran et la Sunna, et pour montrer en même temps la fausseté de ce que prétendent les philosophes et les soufis qui disent que justement les anges c'est quelque chose qui est dans l'esprit ou dans l'imagination, c'est pas quelque chose qui est réel. Et le Cheikh il mentionne des preuves dans le Coran et dans la Sunna que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos des anges, c'est des êtres réels qui existent à l'extérieur et non pas dans l'imagination des prophètes. Et il mentionne à cet exemple-là différents exemples. Au dernier cours, on a mentionné des versets sur la réalité des anges, et maintenant on va mentionner certains exemples des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi des exemples des prophètes précédents. Donc le cheikh il mentionne en premier Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَ جَاءَتْ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي سُورَةِ الْبَشَرِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé dans le Coran que les anges sont venus voir Ibrahim alayhi salam sous la forme d'un être humain. Et il mentionne en note de bas de page à ce sujet-là, vous allez voir après l'explication du cheikh. Il dit al-mala'ikatu aydan mimma yadullu ala annahum mawjudun wa annahum laysu afkaran wa quwa dhihniyah innama hum dhawatun makhluqa fi al-hadith khalaqa Allah yani al-mala'ika min nur khalaqa Allah al-mala'ika min nur جاءوا إلى إبراهيم يتشكلون لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورته وخلقته فيأتون إلى البشر في صور مألوفة عند الناس في صور أشخاص الله أعطاهم القدرة على التشكل فجاءوا إلى إبراهيم لما أنزلهم الله لإهلاك قوم لوط مروا على إبراهيم في صورة أضياف فظن إبراهيم أنهم أضياف فأعد لهم القرى جاء بعجل حينئذ مشوي ليأكلوا يعني يحسبهم أضيافا لأنه كريم صلى الله عليه وسلم كان يضيف الأضياف ويقري الأضياف فبادر صلى الله عليه وسلم لهم بالقرى لكن لما رآهم لا يأكلون لأن الإنسان إذا لم يأكل من طعامك تخاف أنه يريدك بسوء أما إذا أكل فإنك تأمن منه فلما رآهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة فطمنوه وأخبروه بمهمتهم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين إلى آخر الآيات يعني طمأنوه وأخبروه بمهمتهم الشاهد منها أن الملائكة يأتون في صورة بشر لو كانوا أفكارا أو قوة نفسية ما أتوا في صورة بشر. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique l'exemple de ça. Les anges, ils existent, et parmi les preuves de leur existence, et que ce ne sont pas des idées dans l'esprit des gens, ou des forces, il y en a des illusions, ou des choses comme ça, et que ce sont des êtres créés, qui existent réellement. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que les anges sont créés de lumière. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Aïcha radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم mimma wusifa lakum. Donc ça c'est un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, selon Aïcha radiallahu anha, que les anges ont été créés de lumière. Ça c'est la base de leur création. Et tandis que les djinns, eux, sont créés de feu. Hein, et Adam, il a été créé de ce qui vous a été décrit dans le Coran, c'est-à-dire de la terre ou de la boue malléable. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a formé de cette boue Adam alayhi salam, puis il a insufflé l'âme en lui. Donc ça c'est l'exemple et la preuve que les anges sont donc une créature réelle créée à partir de la lumière. Il dit ja'u ila Ibrahim yatashakkalun, c'est-à-dire qu'ils sont venus vers Ibrahim sous une forme humaine. Et le cheikh explique que on n'est pas capable de voir les anges, on n'est pas capable de supporter de voir les anges dans leur réelle apparence. C'est quelque chose qui serait trop effrayant pour l'être humain. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils prennent une forme qui est connue et acceptée des êtres humains, que les êtres humains sont capables de supporter. Et donc ils prennent l'apparence de certaines personnes et ils viennent parce que Allah leur a donné la capacité de changer d'apparence. Donc ils sont venus voir Ibrahim alayhi salam, hein, et ils sont venus pour l'avertir que ils allaient détruire le peuple de Lot, hein, Lot alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam pensait que c'était des invités qui venaient yani chez lui comme ça. Et on sait que dans l'islam, le bon comportement, c'est de bien accueillir les invités, de bien accueillir les voyageurs. Donc Ibrahim alayhi salam, il voit des gens qui arrivent, donc il les accueille, hein, et il leur donne la charité comme on dit, ou bien il les accueille d'une façon, hein, chaleureuse, et puis il leur offre même de la nourriture, hein. Il a ordonné qu'on amène un mouton grillé pour eux, hein. Et faja'a bi'ajlin samin, c'est-à-dire un veau, hein, un veau, un jeune veau grillé. C'est pas un mouton, il y en a, c'est un veau. Et donc il est venu, il pensait que c'était des invités, mais en réalité, c'était parce qu'ils avaient une apparence humaine. Quand il a vu qu'ils ne mangent pas, hein, il commençait à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'en général, quand quelqu'un, tu lui offres à manger, s'il refuse de manger de ta nourriture, tu vas commencer à penser qu'il veut quelque chose d'autre. Hein? Mais si il mange, là tu dis, bon, hein, il est en confiance dans ce cas-là. Donc quand il a vu qu'il ne mangeait pas, alors là il a commencé à avoir peur, et eux, ils l'ont, rassuré exactement. Ils lui ont dit, hein, ne t'inquiète pas, nous sommes envoyés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour détruire un peuple criminel, et lancer sur eux des pierres, hein, d'argile. Et donc c'est à partir de ce moment-là que il a été donc rassuré, puis il a su que c'était des anges. Donc ça c'est la preuve dans cet exemple-là, que les anges peuvent prendre des formes humaines et que ce ne sont pas des illusions dans l'esprit de l'être humain, hein, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit ensuite, Ibn Taymiyyah, il dit wa anna al-malak tamathala li Maryam basharan sawiya. Donc l'ange est également apparu à Maryam. Donc Jibril est apparu à Maryam en forme d'être humain aussi. La même chose que pour Ibrahim alayhi salam, ils prennent la forme d'un être humain. Et le cheikh il dit à ce sujet-là que il est apparu à Marie, la mère de Isa, dans la forme d'un homme de belle apparence. Et il dit wa kadhalika al malak wa huwa Jibril alayhi salam ja'a ila Maryam wa hiya qad in'azalat 'an qawmiha wa ittakhadhat min dunihim hijaban وتفرغت للعبادة لعبادة ربها واحتجبت عن الناس وجاءها الملك في صورة إنسان فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ما جاءها بصورة جبريل عليه السلام لأنها ما تتيق رؤيته، بل جاءها في صورة بشر سوي متكامل الأعضاء ومتكامل الخلقة، بشرا سويا من أجل أن تأنس معه ولا تنفر. ثم إنه قال لها ما قال، وانتهى الأمر إلى أن نفخ فيها من الروح التي يحملها من الله عز وجل، فحملت بعيسى عليه السلام. فهل الأفكار أو القوى النفسية تأتي هكذا؟ هذا دليل على أن الملائكة ذوات ولهم وجود في الخارج وليس في الأذهان فقط. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique que l'ange, et ici c'était Jibril alayhi salam, il est apparu à Maryam et elle s'était écartée des gens, elle avait pris un endroit à l'écart des gens pour se consacrer à l'adoration, et elle s'était voilée du monde pour se vouer à l'adoration et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Puis un ange lui est apparu sous la forme d'un homme complet, hein, et puis il est venu dans une forme différente que la sienne. Il n'est pas venu dans la forme de Jibril alayhi salam, il est venu dans une forme d'un homme complet, avec tous ses membres et d'une création complète, et pour qu'elle soit en sécurité, pour qu'elle se sente pas pour qu'elle ait pas peur, pour pas qu'elle fuit, hein. Contrairement à si l'ange venait dans son apparence réelle, eh bien là, ce serait épeurant, ou bien elle aurait eu peur, disons. Donc, à ce moment-là, l'ange a insufflé, lui a donné la nouvelle qu'elle allait enfanter, qu'elle allait être enceinte, et il a soufflé en elle l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de porter jusqu'à elle. Puis, elle a été enceinte à partir de ce moment de Jésus, le fils de Marie, alayhi salam. Et donc, il dit, est-ce que les imaginations, hein, ou les pensées peuvent faire ce genre de choses? Ça, c'est la preuve que les anges sont des êtres réels, hein, qui existent à l'extérieur de notre imagination et de notre esprit. C'est des choses réelles et non pas des choses qui sont seulement dans l'esprit ou dans la tête. Après, il mentionne un autre exemple. Il dit, وَكَانَ جِبْرِيلْ عَلَيْهِ السَّلَامِ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. Donc Jibril alayhi salam, il venait visiter le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, et il avait l'apparence, on disait qu'il ressemblait à un homme qui s'appelait دحية الكلب. Et دحية الكلب, il faisait partie des grands parmi les Sahaba. Il a été présent, il n'a pas été à Badr, mais il a été à Uhud. Et il a également participé aux autres batailles. Et il a été martyr dans la bataille de Yarmouk. Hein? Il a été présent dans la bataille de Yarmouk et il a vécu jusqu'au khilafat de Muawiyah radiallahu anhu. Donc c'est ça. Et ce sahabi, les compagnons disaient que Jibril, l'homme qui venait, hein, dans l'apparence de Jibril, il ressemblait à Dahiyat al-Kalbi. Il avait la même ressemblance que lui. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ça, puis Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, كَذَلِكَ كَانَ يَأْتِي إِلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم في صورة رجل في الغالب وعنده أصحابه يرونه. يرون الرجل ولا يدرون من هو يأتي ويكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون يخرج على أنه رجل لأنهم لا يطيقون رؤيته ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا في مرتين مرة في الأرض رآه في الأفق المبين يعني في الجو على صورته ورآه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى رآه مرتين وما عدا هاتين المرتين يأتيه في صورة رجل وكان جبريل عليه السلام يتصور في صورة دحية الكلب وكان رجلا حسن الصورة جميل المنظر وهو صحابي جليل رضي الله عنه. Donc il dit le cheikh que l'ange Gabriel, Jibril, il venait voir notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la photo, dans l'image d'un homme en général. Et que parfois il venait et les compagnons étaient présents. Et ils le voyaient, hein, ils voyaient Jibril eux aussi. Hein, ils voyaient Jibril eux aussi. Sauf qu'ils ne savaient pas qui c'était. Donc ils venaient, ils parlaient au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et eux entendaient ce qu'ils disaient, hein, et ils s'en allaient. Hein, comme s'ils voyaient que, comme si c'était un homme. Comme le hadith que vous avez probablement tous entendu, le hadith de Jibril. Hein, il est venu, les personnes le connaissaient. Yani, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث. Donc ça veut dire que il venait avec des vêtements très blancs sur lesquels il n'y avait aucune trace de voyage, et des cheveux très noirs, hein, qui, dans lesquels il n'y avait pas de poussière, ça veut dire il a, comme s'il n'a pas voyagé, hein, et personne ne le connaissait. Hein. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. Ça c'est étrange. Quelqu'un, il n'est pas voyageur, puis personne ne le connaît, surtout à cette époque-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ton voisin qui habite à côté de chez toi, tu le sais pas. Tu sais pas qui c'est. Tu l'as peut-être pas vu plus que rien, et tu le vois jamais parce que on se croise presque pas. Alors que c'est ton voisin, il habite à côté de chez toi, tu sais pas son nom, tu sais pas qui il est. À l'époque, là, c'est pas comme ça. Tout le monde se connaît. Tout le monde dans la ville se connaît. Et donc, ils le connaissent pas et il n'y a pas de trace de voyage sur lui donc. Ils ne savent pas qui il est. Ils demandent des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux ils entendent, et à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Hada Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Donc il est venu vous enseigner votre religion. Et en ce qui concerne la vue du messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu l'ange Jibril dans sa vraie forme, dans sa forme d'ange, c'était seulement à deux occasions. La première fois, c'était, il l'a vu dans le ciel, hein, qui couvrait l'horizon, bil ufuq al mubin, et il l'a vu aussi dans la nuit de l'ascension, al mi'raj, quand il est monté au dernier des cieux, عند سدرة المنتهى, auprès de l'arbre, qu'on appelle al sidra al muntaha, et il l'a vu donc à cette occasion-là. La deuxième fois, c'était dans sa vraie forme d'ange, mais le reste, hein, c'était toujours sous forme d'être humain, et parfois il prenait l'apparence de Dahyat al-Kalbi, et c'était un bel homme, une belle apparence, et c'était un aussi parmi les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le shaykh il dit: wa fi surati a'rabiyyin yarahum an-nas kadhalik. Donc, il dit qu'il venait aussi sous la forme d'un bédouin, parfois. Et les gens le voyaient. Min hadithi, wa min dhalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, anna Jibril ata al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, indahu Salama, faja'ala yatahaddathu, faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam li Salama, man hadha, aw kama qalat, هذا دحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل وعند مسلم بلفظ رأيت جبريل عليه السلام إذا أقرب من رأيت به شبها دحية. Donc c'est ça la description que certains ont mentionnée parmi les sahaba de cet homme. C'était Jibril qui prenait cette forme de Dihya al-Kalbi, le compagnon qui s'appelle Dihya. Et dans une autre narration, il dit: كان جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل كذا وكذا. C'est ça. Donc c'est le hadith de Jibril dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il dit وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Donc Jibril a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Takwir, versets 20 et 21, hein, qu'il est détenteur d'une force auprès de celui qui possède le trône, hein, et qu'il est bien gagné, qui est en position de force auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est obéissant et fidèle. Hein, obéissant et fidèle. Et il dit également à propos de Jibril, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vu Jibril à l'horizon, hein, de façon claire et apparente. Donc ça c'est des exemples également qui prouvent que Jibril ainsi que les anges de façon générale sont des êtres qui existent et qui ne sont pas des illusions comme certains s'imaginent. Et le Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus en disant وأحيانا يأتي في سورة أعرابي لا يعرفونه وإذا جاء في سورة الدحية ظنوا أنه دحية ولكن أحيانا يأتي في سورة أعرابي ولا يعرفونه كما في حديث جبريل عليه السلام كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل كذا وكذا إلى آخر الحديث ووصفه في آخر سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين وهو على الغيب وما هو على الغيب بضنين يعني فوصف جبريل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين إنه لقول رسول كريم يعني القرآن نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قوله يعني أنه بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم يعني جبريل رسول بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني قوة جبريل عليه السلام هائلة حتى أنه حمل قرى قوم لوط على طرف جناحيه أو جناحه فقوته هائلة ولما صاح في ثمود هلكوا عن آخرهم يعني صيحة صاعقة فأهلكهم عن آخرهم فقوته لا توصف لشدتها شديد القوى ذي قوة عند ذي العرش مكين جبريل عند ذي العرش يعني له مكانة عند الله في السماء قريب من الله عز وجل مكين يعني له مكانة عند الله يعني كلها أوصاف مدح لجبريل عليه السلام مطاع ثم أمين تطيعه الملائكة ثم أي هناك في السماء أمين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص بل يبلغه كما تحمله عن الله سبحانه وتعالى فهو أمين الوحي عليه السلام وهو صلى الله عليه وسلم في بطحاء مكة رفع رأسه فرآه في الأفق المبين. Donc le cheikh il dit et donc il prend parfois différentes apparences, il vient parfois l'apparence d'un bédouin, des fois il a l'apparence de Dihya, et quand il vient sous l'apparence de Dihya, les gens pensent que c'est Dihya, hein, et des fois il vient dans l'apparence d'un bédouin et ils ne le reconnaissent pas, comme le hadith de Jibril qu'on a mentionné tout à l'heure. En ce qui concerne les descriptions que Allah a mentionnées dans Surat al-Takwir, hein, il dit il l'a certes vu à l'horizon, hein, bil ufuq al-mubin. Et il dit également que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Jibril comme étant un messager, hein, comme étant un messager, c'est-à-dire qu'il est un messager entre Allah et le messager. Et le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a vu donc à l'horizon. Et il dit innahu laqawlu rasulin karim, hein, c'est la parole d'un noble messager, c'est-à-dire le Coran a été révélé par Jibril au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sa parole dans le sens que c'est lui qui lui a transmis. Il dit qu'il l'a transmis donc au messager. Donc ici, c'est-à-dire qu'il est le messager entre Jibril et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui possède une force incroyable. Sa force, elle est immense. Il a même porté la ville complète de Lout sur un bout de son aile. Eh na'am, la ville de Lout, il l'a pris au complet sur un bout de son aile. Et donc il a une force vraiment immense. Et il a, par exemple, détruit le peuple de Thamoud juste avec un cri, un seul cri. Et ils étaient tous anéantis sur le champ, jusqu'au dernier. Donc, sa force, elle est immense. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit Jibril, il dit « Shadidul Quwa, hein, dhi quwwatin ». Donc, il possède une grande force. Et il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur du trône. Et il a une place importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux. Et il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, makin, c'est-à-dire qu'il a une position, un statut important auprès d'Allah. Et donc, tout ça, c'est des descriptions, de glorification pour Jibril, alayhi salam. Muta'in, thumma amin. Muta'in, il dit, c'est-à-dire que les autres anges lui obéissent, parce qu'il a, il est, comme un des chefs parmi les anges. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne et lui ordonne aux autres anges. Et il dit thumma amin. Muta'in thumma amin ay hunaka fi as-sama', c'est-à-dire là-haut dans les cieux, thumma amin, c'est-à-dire là-haut dans les cieux. Amin, c'est-à-dire qu'il est honnête et fiable dans la transmission de la révélation. Il n'augmente pas ou il n'ajoute pas et n'enlève rien. Il ne rajoute rien et n'enlève rien de lui-même. Il ne fait que transmettre la révélation qu'il a reçue de la part d'Allah, telle qu'il l'a reçue, et il est fiable et honnête dans la transmission de cette révélation-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu alors qu'il était dans un des lieux de Mecca, et il a levé les yeux vers le ciel et il l'a vu. Il a vu Jibril dans sa vraie apparence d'ange. Et c'est là qu'il a dit à son sujet qu'il avait 600 ailes, et que avec une aile, il couvrait l'horizon au complet. Donc c'est un ange immense et extrêmement puissant parmi les anges d'Allah. Après il dit ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ووصفه بأنه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Donc Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il mentionne les versets de sourate An-Najm dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il décrit Jibril, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, et c'est les versets de 5 à 18. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse, Shadidul Quwa, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à deux portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de la Sidratil Muntaha. C'est un endroit en haut des cieux. Près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure, et l'a bien vu certes des grandes merveilles de son Seigneur. Donc ça c'est le verset en question. Le Cheikh Al-Fawzan il fait le tafsir de ces versets là. Il dit هذا في سورة النجم وصفه بعلمه شديد القوى يعني جبريل ذو مرة يعني هيئة المرة الهيئة الحسنة ذو مرة فاستوى فهو في فهو بالأفق الأعلى ثم دنا يعني دنا جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده أي عبد الله ها وهو محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة المعراج هذه المرة الثانية والشاهد من هذا أن جبريل عليه السلام يرى في الخارج وليس هو في الذهن وإنما هو يرى في الخارج ويأتي ويدخل ويخرج والملائكة جاءوا إبراهيم دخلوا وخرجوا ليسوا صورا ذهنية أو تخيلات كما تقوله الفلاسفة ذو مرة فاستوى يعني استوى يعني ارتفع فكان قاب قوسين أو أدنى يعني قرب جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم في الأفق لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني أوحى جبريل عليه السلام أو أوحى الله إلى محمد بواسطة جبريل عليه السلام ما أوحى من كلامه سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عما رأى ولم يكذب في قوله عليه السلام أفتمارونه على ما يرى يعني تمارونه يعني تجادلونه وتوهمونه ما زاغ البصر يعني انحرف وما طغى يعني تعدى المكان المخصص له عليه السلام فهو لم ينحرف ولم يعتدي donc tout ça c'est pour résumer l'explication qu'on a mentionné. Il dit que c'est la description dans Surat al-Najm que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à propos de Jibril alayhi salam. Et il dit donc que il a une belle apparence, Jibril. Il s'est élevé, il dit, et ensuite, comme on a dit, fastawa dhu mirratin. Ils l'ont traduit par dhu mirratin, ils ont dit doué de sagacité. Donc je ne sais pas, même le mot sagacité, comment, qu'est-ce que ça veut dire en français? Mais bon, ça c'est le terme par quoi ils l'ont traduit. Si vous voulez, même on peut regarder ça. C'est la force. Attends, je vais regarder dans le dictionnaire. Sagacité. Moi, j'aime pas laisser un mot que je connais pas sans le chercher. Sagacité, la définition ici qui est donnée, c'est pénétration faite d'intuition, de finesse et de vivacité d'esprit. Finesse de l'odorat, pénétration, finesse, vivacité de l'esprit qui fait découvrir et comprendre les choses les plus difficiles. Qualité de quelque chose qui traduit cette pénétration, cette finesse d'esprit. Donc franchement, je ne sais pas sur quoi il se base pour traduire ça par sagacité, mais auteur d'une rare sagacité. Allahu a'lam. Donc ici, Cheikh, il dit que mirra, dhu mirratin, en arabe, ça veut dire al-mirra, ça veut dire al-hay'a. Al-hay'atul hasana. Donc la belle forme, la belle apparence, la belle position. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا. Donc tel que la traduction ça dit, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit plus bas encore, c'est-à-dire Jibril s'est rapproché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc il était il se rapprocha encore plus bas et fut à deux portées d'arc ou plus près encore. Donc c'est ça. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ما كذب الفؤاد ما رأى. Donc il dit tout ça c'était pendant la nuit de l'ascension, la deuxième fois quand il a vu Jibril alayhi salam. Il l'a vu à l'extérieur, hein, à Sidrat al-Muntaha. C'était pas dans son imagination ou dans son esprit. Et donc Jibril alayhi salam, il venait, il entrait, il sortait, et les anges qui sont venus voir Jibril alayhi salam, ils sont venus, ils sont entrés chez lui, ils sont sortis. C'était pas des choses dans son imagination, comme le disent les philosophes. Et ذو مرة فاستوى, يعني استوى ça veut dire ارتفع. Donc ça veut dire il s'est élevé. فكان قاب قوسين أو أدنى, يعني c'est-à-dire qu'il était proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'horizon. Et ça il dit c'est lorsque il est monté avec Jibril, ou bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension à ce moment-là, il a vu Jibril à ce moment-là. Et il dit فأوحى إلى عبده ما أوحى, donc c'est-à-dire Jibril qui a transmis la révélation d'Allah au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il reçoit la révélation d'Allah par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, donc il lui transmet la parole d'Allah et il dit ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a, hein, c'est-à-dire le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il informe des choses telles qu'il les a vues, et il ne ment pas, hein, lorsqu'il transmet la parole d'Allah. Afatumarunahu ala ma yara, c'est-à-dire allez-vous débattre avec lui ou argumenter avec lui ou contester ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près, hein, de la Sidrat al-Muntaha. Donc il dit ma zara al-basar wa ma tara, c'est-à-dire sa vue n'a pas dévié et il n'a pas non plus transgressé. Donc ça c'est par rapport à ce verset. Et il dit وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَرَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ مَرَّتَيْنِ, يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى, ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه روح القدس. Donc le cheikh explique que il est rapporté dans Al-Bukhari Muslim selon Aisha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Jibril dans sa vraie apparence dans laquelle Allah l'a créé que deux fois, c'est-à-dire la première fois à l'horizon, quand il regardait à l'horizon, il l'a vu dans le ciel, et la deuxième fois, c'est lorsqu'il est monté dans l'ascension, il l'a vu à l'endroit près de Sidrat al-Muntaha, et Jibril, alayhi salam, est décrit à d'autres endroits dans le Coran comme étant Ar-Ruh al-Amin, hein, l'esprit qui est fidèle et honnête, et dans d'autres endroits, il est appelé Ar-Ruh al-Qudus, hein, l'Esprit Saint. Donc Ar-Ruh al-Amin comme dans Sourate Ash-Shu'ara le verset 193, et Ar-Ruh al-Qudus dans Sourate An-Nahl le verset 102. Cheikh Al-Fawzan il dit par rapport à ça innahu latanzilu rabbil alamin, donc il cite le verset innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruh al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin فسماه الروح الأمين على ما يؤتمن عليه وهو الوحي ولا يزيد في الوحي ولا ينقص ولا تقربه الشياطين. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans les versets 192 à 194 dans sourate Ash-Shu'ara que certes c'est une révélation du Seigneur des mondes, c'est Jibril l'ange, l'âme fidèle ou l'âme fidèle qui descend avec, sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Donc il est appelé Ar-Ruh Al-Amin, donc l'âme qui est, ou bien l'esprit qui est fiable et honnête, parce que on lui a confié la révélation pour qu'il l'amène sans ajouter quoi que ce soit et sans enlever quoi que ce soit. Et les diables ne peuvent pas l'approcher. Et il dit ensuite, ووصفه بأنه الروح الأمين الأمين كما في سورة الشعراء ووصفه بأنه الروح القدس يعني الطهر القدس القدس يعني الطهر. Il dit, قال عز وجل قل نزل به روح القدس من ربك بالحق وهذا يدل على أن الملائكة لهم ذوات ولهم وجود يرى ويشاهد رآه محمد صلى الله عليه وسلم على سورته رآه الناس في سورته التي ظهر عليهم بها فلو كان قوى نفسانية لما ظهر ويتكلم أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم ويخاطب. فأخبرني يعني يقول أخبرني عن الإسلام, يقول أخبرني عن الإسلام, فأخبرني عن الإيمان, فأخبرني عن الإحسان إلى آخر الحديث. هل هذا قوة نفسانية؟ الصحابة يسمعون هذا, يرون الشخص. Donc le cheikh il explique donc la description d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos de Jibril, que c'est un esprit qui est fidèle, qui est honnête, qui est fiable. Et comme c'est mentionné dans Surat al-Shu'ara, Ar-Ruh al-Amin, et dans Surat al-Nahl, le verset 102, Ar-Ruh al-Qudus. Et al-Qudus, ça vient de At-Tuhur, c'est-à-dire la pureté, l'esprit pur, l'esprit saint. Et c'est ce qui indique que les anges sont des êtres réels qui existent, qui peuvent être vus, et on peut les voir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, l'ange dans son apparence réelle, de même que les gens qui étaient vivants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avant parmi les prophètes ont vu les anges apparaître dans l'apparence sur laquelle ils sont venus. C'était des êtres réels, c'est pas des choses imaginaires, c'est pas des êtres spirituels seulement comme ils disent, des forces spirituelles ou des êtres invisibles ou bien des choses qui sont dans l'esprit imaginé. C'est des choses qui sont imaginaires, pas réelles, qui existent dans nos têtes. C'est ça que les philosophes disent. Et le cheikh, il explique, tout ça, c'est des preuves, qu'est-ce qu'on a mentionné, c'est des preuves que les anges existent réellement et que ce sont des êtres réels qui ont une présence dans le monde et que les hommes peuvent les voir. Et les prophètes les ont vus, les sahaba les ont vus, l'apparence humaine de ces anges-là, et ainsi de suite. Et on voit l'exemple du hadith de Jibril, lorsqu'il est venu, il a dit, informe-moi à propos de l'islam, informe-moi à propos de al-iman, informe-moi à propos de al-ihsan, qu'est-ce que c'est? Donc, ça c'est la preuve que c'est un être humain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient en forme humaine, et qui est réel, c'est pas quelque chose qu'il a imaginé, ou que seulement lui qu'il voyait ça, tu vois. Comme les koufars aujourd'hui qui interprètent les anges ou bien les prophètes en disant c'était des gens qui imaginaient, ils entendaient des voix ou bien ils imaginaient voir des choses qui sont pas réelles. Non, c'est pas vrai, puisqu'ils n'étaient pas les seuls à le voir. Jibril, c'est pas seulement le prophète sur l'ensemble qui l'a vu, les sahaba ils l'ont tous vu. D'accord, donc ça c'est des exemples qui prouvent que ces gens-là ils mentent quand ils disent que c'est des illusions, que c'est pas réel. Et le cheikh il dit ensuite, cheikh l'islam, il a ghayri dhalika min as-sifat allati tubayyinu annahu min a'zami makhluqatillah yani tubayyinu annahu min a'zami makhluqatillah ta'ala al-ahya al-uqala wa annahu Donc le cheikh dit, il y a beaucoup d'autres descriptions et d'autres caractéristiques qui montrent que il fait partie des plus grandes parmi les créatures d'Allah qui sont vivantes et qui ont la raison, et que c'est des entités réelles qui existent d'elles-mêmes. Et Jibril, il dit, le cheikh, il dit, pardon, Jibril, alayhi salam, huwa a'zamu makhluqatillah, al-ahya al-uqala. Wa al-jawhar al-muradu bihi ma yuqabilu al-arad. لأن الأشياء إما جوهر جوهر وإما عرض فالجوهر هو الشيء الذي يرى ويشاهد الجسم أما العرض فهو الذي يقوم بغيره وليس له جسم وإنما يقوم بغيره كالألوان البياض والسواد والحمرة وهذه تسمى بالعروض جمع عرض أي الذي يعرض ويزول فالعرض هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره أما الجوهر فهو الذي يقوم بنفسه فهو قائم بنفسه وليس عرضا يقوم بغيره مثل الأفكار التي تكون في الذهن تعرض وتزول والأفكار والهواجس هذه عوارض ليس لها جسم وليس لها ذوات. Donc le cheikh il dit soit que les choses sont des entités ou bien des qualités, des descriptions. Donc il dit c'est comme par exemple les corps qui ont une forme, qui sont touchables, qu'on peut voir et toucher, et les descriptions ou les qualités de ces choses-là, comme par exemple la couleur la chaleur ou les choses comme ça, le rouge, blanc, jaune ou d'autres caractéristiques qui sont données à ces choses-là, qui peuvent changer et qui viennent et qui vont. Et donc, en parlant des anges, ce sont des corps, ce sont des êtres réels, des entités. Ce ne sont pas des choses imaginaires ou qui sont yani, comme ça, qui viennent et qui vont, qu'on ne peut pas imaginer comme étant existantes par elles-mêmes. C'est comme si, par exemple, la différence entre le corps et les qualités, c'est que la bouteille, par exemple, ici, je peux dire que cette bouteille, elle est réelle, je peux la toucher, je peux la voir. Par contre, le bouchon, je dis le bouchon est bleu, ou la bouteille, elle est bleue et verte. Est-ce que tu peux dire que le bleu existe sans le bouchon? C'est-à-dire, tu peux voir la couleur bleue qui se promène dans l'espace comme ça, tout seul? Non, elle est reliée à un corps. Ces descriptions sont reliées à un corps. C'est-à-dire que tu ne peux pas les imaginer de façon existant, de façon réelle, en dehors de leur des choses auxquelles elles sont attribuées. C'est ça que je veux dire. C'est un petit peu bizarre d'expliquer ça, mais c'est comme j'expliquais l'autre jour par rapport à yani, je sais pas moi, des choses abstraites comme ça, comme tu dis c'est quoi l'exemple que j'avais donné l'autre fois? Une raison, par exemple, la raison. La raison, elle existe dans l'être humain. Tu ne peux pas voir une raison qui se promène toute seule dans le monde, dans la mosquée. Tu dis, ah, j'ai vu une raison qui marchait. Non, elle existe dans une personne. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et eux, ils disent que les anges, ce n'est pas quelque chose qui est réel, une entité, c'est quelque chose qui est dans l'esprit, comme quelque chose illusoire ou imaginaire. Et le cheikh dit non, ça c'est faux. La preuve, les versets, les hadiths qui nous montrent que les anges sont des êtres réels. Laysa khayalan, Ibn Taymiyyah a dit laysa khayalan fi nafs an-nabi kama za'ama ha'ula al-malahida al-mutafalsifa al-mudda'una wilayat Allah wa annahum a'lamu min al-anbiya. Donc il dit c'est pas des choses imaginaires qui sont à l'intérieur des âmes des prophètes, ou comme le pensent certains parmi ces athées, soi-disant philosophes, qui prétendent être des awliya d'Allah, rapprochés d'Allah, alors qu'ils sont parmi les plus pervers des êtres humains, et il dit qu'ils pensent qu'ils savent plus que les prophètes à propos d'Allah. Et ça, c'est de l'égarement. Et à propos de ça, justement, c'est comme les psychiatres et les psychologues aujourd'hui qui disent les prophètes, ils entendaient des voix, c'était des schizophrènes ou des choses comme ça. Ça, c'est les exemples des paroles des kuffar, yani. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit Laysa khayalan kama taquluhu al-falasifa, ma'a kadhibihim wa fujurihim, hum yadda'una annahum awliya'ullah. وأنهم أفضل من الأنبياء. الفلاسفة يدعون أنهم أفضل من الأنبياء وأنهم أدركوا أسرار الكون وأنهم وأنهم يعني أعجبوا بأنفسهم ولم يشعروا بأنهم خلق قاصر عاجز لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. فهم يدعون لأنفسهم الكمال ويدعون لأنفسهم العلم ويدعون لأنفسهم الاطلاع وإدراك الحقائق وأنهم وأنهم أي نعم. ثم والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء لأن الأنبياء يأخذون بالواسطة عن الله وهم يأخذون عن الله مباشرة فهم أفضل من الأنبياء بزعمهم. الأنبياء إنما يأخذون عن غيرهم وهم يأخذون بدون واسطة ويدركون الأشياء أعجبوا بأنفسهم إلى هذا الحد فصاروا يفضلون أنفسهم على الأنبياء ويقولون إن الولي يعنون أنفسهم أفضل من النبي ويقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا من شعرهم قبحهم الله. Donc le cheikh il dit, donc les anges c'est pas des choses illusoires contrairement à ce que prétendent les philosophes. Ça fait partie de leur mensonge, de leur perversité et qu'ils prétendent qu'ils sont des rapprochés d'Allah ou des serviteurs rapprochés d'Allah ou des awliya d'Allah et qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Et il dit, donc le cheikh, il dit, ces gens-là prétendent qu'ils sont meilleurs que les prophètes et qu'ils ont compris les secrets de l'univers et ils ont été éblouis de leur propre personne et n'ont pas réalisé que ce sont des créatures limitées et qui ont plein de limites et plein de faiblesses. Hein? Donc ils ne savent que ce que Allah leur a permis de savoir. Et pourtant, ils pensent qu'ils sont parfaits, qu'ils ont atteint la perfection. Hein? Et ils pensent qu'ils possèdent de la science. Hein? Ils prétendent avoir découvert toutes sortes de réalités, et ainsi de suite. Puis il dit, ils pensent que, yani, ils sont supérieurs aux prophètes. Ils disent parce que les prophètes, eux, ils reçoivent la révélation par l'intermédiaire d'un ange. Tandis que eux, ils disent, non, nous, on reçoit la connaissance directement de Dieu. Hein, d'Allah, sans avoir besoin de l'ange pour nous transmettre le message. Donc ils pensent que par rapport à ça, ils sont meilleurs. Ils prétendent qu'ils sont meilleurs que les prophètes et qu'ils comprennent les choses plus que les prophètes. Donc ils ont été éblouis par eux-mêmes jusqu'à ce point-là et donc ils ont commencé même à se préférer eux-mêmes. Ils disent, comme Ibn Arabi par exemple, dans son poème, hein, le soufi hérétique, hein, il dit le statut de la prophétie est dans un endroit qui est un peu plus haut que le messager et en dessous du wali. Donc ils ont mis le statut de la prophétie en bas, ou bien plutôt ils ont mis le messager en bas, ils ont mis le prophète au-dessus de lui et au-dessus du prophète ils ont mis le wali. Donc, ils considèrent que le wali est supérieur au prophète et supérieur au messager. Et donc, il dit ça, c'est parmi les choses qu'ils mentionnent dans leur poème. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'hérésie, hein, et de l'égarement et de la mécréance. Wal'iyazu billah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله.